que les poètes ont disparu. Hola, empezamos una nueva edición de la chanson. En ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait. Me llamo Andrés y hoy tenemos al control Miguel. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Bueno, ya estamos en junio, ya se acercan las vacaciones y se acaba la escuela, se acaba el cole. De eso vamos a tratar hoy, de la escuela, del cole. Queda mucho que hablar. Hay muchas facetas de la escuela. Entonces, la escuela se acaba este mes de junio y vamos a escuchar canciones que tratan de la escuela. Vamos justamente a empezar por una canción que se llama L'école est finie, que fue un éxito del año 63. Eso significa se acabó la escuela. Su intérprete se llama Sheila, ha pasado un poquito a la historia, aunque esté todavía en actividad, tiene 69 años. Tiene la friolera de 85 millones de discos vendidos, que no es cualquier cosa. Y esa canción, L'école est finie, es su primer gran éxito, que fue número uno ese año 63 durante 5 meses. Fue asimismo la artista femenina preferida de los franceses allá por el 68 y supo renovarse. Pasó del yeye, que fue su inicio, al disco, al rock incluso, ¿no? Esa canción dice el estribillo: dame la mano y toma la mía, la campana sonó, esto significa la calle es nuestra, sí, sí, se acabó la escuela. Escuchemos pues L'école est finie de Sheila del año 63. La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Ta main et prends la mienne, nous avons pour nous toute la nuit, on s'amusera quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes, mais oui, l'école est finie. L'école est finie,

Bueno, en la escuela los programas cambian a menudo. Reformas educativas en Francia como en España son al orden del día, están al orden del día. Ahora mismo en Francia hay una polémica muy gorda sobre ese tema. En una época se pensó que se tenía que hablar de educación sexual en la escuela, lo que para un poco adecuarse a los tiempos y enseñar algo que era importante. De eso habla la siguiente canción, que se llama Le Zizi. Zizi es un nombre argótico popular por el pene, ¿no? Es una canción de Pierre Perret, que es un gigante de la canción francesa, tiene ahora mismo 80 años y sigue en activo, aunque, claro, no tanto como en sus años mozos, ¿no? Este hombre tiene como característica de ser el que introdujo el argot en la canción francesa. Antes no se cantaba tanto argot. Es muy popular, tan popular que he visto que 23 escuelas primarias llevan su nombre en Francia. Esta canción pues cuenta una clase de educación sexual en la escuela, y sería muy difícil resumirla, pero para decir algo pues hace un catálogo de todas las clases de penes que hay o que puede haber en el mundo. Escuchamos Le Zizi de Pierre Perret. Afin de nous ôter nos complexes au gué au gué, on nous donne des cours sur le sexe au gué au gué. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gué au gué, de l'appareil masculin d'abord au gué au gué. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, il y en a toutes les couleurs, au gué, au gué. Des boulangers jusqu'au ramoneur, au gué, au gué. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur au gué au gué, celui qui a mis donne la main de ma sœur au gué au gué. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier au gué au gué se reconnaît à son gros col roulé au gué au gué. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau au gué au gué qui sonne l'angélus les mains dans le dos au gué au gué. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mouquin, grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos, gay, oh, gay, qui est toujours au bord de l'embargo, gay, oh, gay. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix. Avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait des rites voix à l'ancienne. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mouquin, grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Zizi! Esta canción mítica de Pierre Perret, le zizi. Seguimos con lo que se aprende en la escuela y vamos a escuchar una canción que se llama Interrogación Escrita, Interrogaciones Escritas, Exámenes Escritos. Una canción de un cantante no muy conocido del gran público como estos anteriores, que se llama Gilbert Lafaye. Es una canción del año 78. Este hombre pues escribe canciones poéticas, irónicas o surrealistas, y en esta canción pues parodia las absurdas preguntas de los exámenes escritos de la escuela, pero introduciendo crítica social, eso de los trenes, como dice en su canción, los trenes que salen de dos puntos distintos donde se van a encontrar si cada uno tiene una velocidad distinta. Entonces parodia esto. Por ejemplo, si cogemos la última copla, dice: sabiendo que una industria exporta en el extranjero, patati patata, encuentre el número exacto de tanques exportados. No se tomará en cuenta los años bisiestos. En cada copla, pues es un tema distinto y es una crítica social que añade. Interrogation écrite de Gilbert Lafaye. Sachant qu'un train qui trompe à 17h23, qu'à 17h40 un autre part de Pise, quand vont-ils se croiser? Quand vont-ils se croiser? Étant à mi-distance à 18h33, et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise? Sachant qu'un paysan qui s'en va au marché vos tranches de francs 50 chaque fois qu'il les ajoute, dites combien de choux-fleurs, dites combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté, et combien d'artichauts finiront sur les routes. Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans, calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune, compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermez livret, cahier, vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. Sachant qu'une ménagère qui fait des provisions transporte 6 litres d'huile par jour dans son chariot, combien de litres d'huile, combien de litres d'huile seront stockés chez elle durant les élections, sachant qu'elle a moins d'huile que de sucre en morceaux. Sachant qu'un ouvrier qui travaille dans le métro met chaque mois de côté 100 francs pour le percepteur, trouvez ce qui lui reste, trouvez ce qui lui reste pour faire comme les copains mais pour perdre au loto. On pourra tout arrondir au franc inférieur. Sachant qu'un camion vide pèse 4 tonnes 500, que Jean le camionneur est toujours en surcharge, combien Jean fera-t-il, combien Jean fera-t-il d'aller-retour Toulouse-Roubaix sans accident, étant donné que Jean est payé au voyage. Interrogation écrite, fermez livret, cahier, si j'en vois un qui parle, je le colle pour samedi. Sachant qu'un pétrolier, malgré sa faible allure, ne peut pas manœuvrer lorsque ses cuves sont pleines, combien de kilomètres de côtes seront polluées par les hydrocarbures? Quel est son pavillon et l'âge du capitaine? Sachant qu'une industrie exporte à l'étranger tantôt des lots de 100, tantôt des lots de 1000, trouvez le nombre exact, trouvez le nombre exact de chars et de roquettes exportés chaque année.

donde pasan muchas cosas también es en los internados. Vamos a escuchar una canción que se llama Le Surveillant General, el Vigilante General, del año 72, de un cantante, Michel Sardou, que bueno, no es tan mayor, tiene 68 años, sigue en actividad. Es un cantante tan popular como polémico. Es acusado de racista, de machista, y incluso pues se ha fomentado, ya no, pero en una época, la creación de comités anti-Sardou que intentaban impedir que cantara donde tenía conciertos previstos. Sin embargo, muchas de sus canciones se han quedado para siempre en la memoria colectiva francesa, como esta, que habla de su experiencia en un internado, vigilado estrechamente por el vigilante para que por la noche no cometiera actos impuros. También quería decir que ese cantante lo hemos escuchado los amantes de cine, es el cantante de las canciones de la película que se pudo ver en la Alameda, que creo que está todavía, que se llama La Famille Bélier, Le Surveillant Général de Michel Sardou. En ce temps-là, monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé. En ce temps-là, je lisais le grand môle et après les lumières, je me faisais plaisir, je me faisais dormir, je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux roux. J'ai dit de femmes, de jeunes filles. Cette année-là, je n'oublierai jamais le regard de vipère que m'avait lancé ce vieux rat. Cette année-là, j'avais posé les yeux sur la croupe incendiaire de ma professeure de droit. Elle avait mis le feu en moi, j'avais avalé la lumière, j'aurais aimé la terre entière, seulement les femmes, pas les jeunes filles. Pauvre de moi, monsieur le surveillant des classes secondaires, passait ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sur le dos, les bras croisés, sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées. Pauvre taré, pauvre chimène. C'est pourtant là que durant des années j'ai rêvé d'adultère que je n'ai jamais consommé. Et chaque nuit, quand je tiens dans mes bras une femme trop fière qui se refuse à me donner un peu plus que le nécessaire, parce que j'hésite à la défaire de son carcan de préjugés, parce que je n'ai pas la manière, j'ai presque envie de lui confier. Quand ce temps-là, j'avais un surveillant des classes secondaires, mais ça la ferait rigoler. La escuela y la sexualidad, o la escuela de la sexualidad, en fin. Vamos a seguir con ese tema de la sexualidad y de la escuela, con otra canción que se llama Fontenay aux Roses. Fontenay aux Roses es una ciudad donde hay una escuela importante, la escuela normal superior de chicas. Y es una canción del año 72 de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier es otro grande de la canción francesa que escribe y compone. Empezó su carrera de éxito con este álbum que se llama Mon Frère, mi hermano, cuyas canciones son casi todas míticas, casi todas, es impresionante. Esta canción habla de las sensaciones que le provoca pues el internado femenino vecino de su casa, Fontenay-aux-Roses de Maxime Le Forestier. Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue, parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid, des sermons murmurés. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Monsieur Audiberti vous parle d'inconnu, vous êtes déjà loin. Vos rêves cette nuit, de quoi parleront-ils, le soleil fut si lourd. Demain c'est samedi, je guetterai fébrile votre sortie du cours. Dimanche sera gris, je ne vous verrai pas, pas avant lundi soir. Où serez-vous parti? Qui vous tiendra le bras? Que vous fera-t-on croire? Je crois que je vous dois de vous faire un aveu, petite, écoutez-moi. C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat. Fontenay-aux-Roses de Maxime Le Forestier. Bueno, en la escuela no solamente hay alumnos y alumnas, hay también profesores, maestros y maestras. Vamos a escuchar una canción que se llama justamente La Maestra, la institutrice, una canción del año 74 de un cantante bastante atípico que se llama Dick Annegarn. Como su propio nombre indica, no es de origen francés, es un cantante holandés, pero que ha cantado como Graham Allwright antes todas sus canciones en francés. Esa canción es sacada de su primer álbum, que fue también un exitazo. ¿Por qué es atípico Dick Annegarn? Pues que, porque siempre se quiso mantener alejado del show business. Por ejemplo, pues vivía en un barco en el Sena, y de vez en cuando salía de ese barco cada, no sé, 5 o 6 años para sacar un nuevo disco y seguir viviendo de eso. Sin embargo, pues tiene su público fiel, no es que sea un cantante de primera, no es un Michel Sardou, pero en fin, que tiene su público fiel. Esta canción pues es una canción triste, habla de la muerte imprevista de su maestra, sin que nada hiciera pensar a sus alumnos pues lo desdichada que podía estar en su vida privada, que no alcanzaba a ver sus alumnos. La institutrice de Dick Annegarn. Madame l'institutrice est morte ce matin à l'aube dans l'eau de son bain. Y en a qui disent qu'elle est décédée, moi je dis elle s'est suicidée. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de fardes et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. C'était hier au cours d'histoire, l'Empire romain contre les barbares. C'est, elle dit, le début de la fin, l'Empire romain périra demain. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de fardes et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Au pire, sans doute que peut-être que c'est mieux ainsi. L'Empire romain au paradis, et nous ici, sans institution, sans institutrice, à Chignon. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de fardes et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Puis sa vie à elle était loin d'être belle. Mademoiselle, madame, veuve et mademoiselle, voyez ce que je veux dire, voyez peut-être pas ce que je veux dire, je ne le dirai pas. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de fardes et de devoirs ne protégeaient plus son histoire. Hey, she died, get down, fall by, fall from the die. High days I go by, don't fight. L'institutrice de Dick Hanegan. Et para terminar, porque lo bueno siempre se termina, una última canción de René Louis Lafort, que es desconocido para la mayoría de la gente, entre otras cosas porque, bueno, pues vivió solamente 39 años, murió en un accidente de coche y podía haber tenido una carrera, tenía una carrera prometedora. Es español de nacimiento, nació en San Sebastián, su familia huyó del franquismo y toda su vida pues mantuvo esas ideas libertarias de sus padres. Esa canción se llama L'école buissonnière. L'école buissonnière, faire l'école buissonnière en francés es como decir hacer novillos, entonces es donde se aprende también, fuera de la escuela. Y L'École Buissonnière también es el nombre de un cabaret que fundó en París, y donde debutaron su carrera mucha gente hoy importante en la escuela, en la canción francesa, perdón. Y entonces, bueno, esa canción habla de lo mucho que aprendió fuera de la escuela de la vida, L'École Buissonnière de René Louis Lafort. Del año 67. Je dois beaucoup au vieux maître qui se donna du trac simplement pour me permettre d'avoir mon certificat. Mon vieux pion, je te vénère, que les meilleures leçons les oiseaux me les donnèrent quand les saisons. Le chemin suivait la rêve, et ce chemin, le bon chemin libertaire, de l'école buissonnière, de l'école buissonnière. Je ne dois rien aux casernes, où jamais rien je n'appris, je ne dois rien aux badernes, qui me parlaient du fusil. Moi, pendant qu'un capitaine me faisait la théorie, je pensais aux joies anciennes, des semaines ou sept jeudis. Le chemin a des ornières, il faut éviter. On n'a pas l'âme guerrière à l'école buissonnière, à l'école buissonnière. Je dois beaucoup à la femme qui me donna trois enfants et qui me garda son âme au difficile moment. Mais si pour quelques principes elle me vient disputer, moi je tire sur ma pipe. Et je pars dans ma fumée. Le chemin a des ornières, il faut savoir oublier. On aime vivre pépère à l'école buissonnière, à l'école buissonnière. Je dois beaucoup à la terre qui m'a tant et tant donné des raisins en crapaud clair, des figues pour vendanger. et les boissons magnifiques qui bientôt seront perdues, et la vie et sa musique qu'un jour je n'entendrai plus. Bueno, pues tenemos que acabar este programa. Os doy cita para la siguiente edición, el segundo lunes de julio a esta hora, en agosto, vacaciones. Y os dejo con nuestra sintonía, Charles Trenet.